Scene one, Apple, take one. Are you ready? Otaku, les news de Wotaku. Une fois par semaine, les news avec Wotaku. Et on lance tout de suite la machine. Ok, moteur. Ah, ça c'est pas vrai. Hey, qu'est-ce qu'il y a? Comment on l'arrête ce machin? On l'arrête pas. Hey. Bonjour à tous et bienvenue pour ce cinquième Otaku. Donc je suis Ludo et avec moi il y a JP et Circle. Salut les gars. Salut. Salut. Alors on a une actualité très très chargée, c'est un long Otaku qui vous attend, puisqu'on va vous parler justement des modifications à venir sur les classes par rapport à Cataclysm. Alors justement par rapport à ça, je pense que le mieux c'est que vous utilisez la petite fonction de chapitrage sur les écoutes en ligne, parce qu'en fait je crois qu'on en a pour environ une heure et demie hein, à débattre et à discuter sur les classes. Donc déjà faites les classes qui vous intéressent, après éventuellement faites les autres classes, voilà, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Et également un petit mot par rapport au live. Donc là, Circle se laisse en parler. D'accord. Donc, comme on avait un petit peu prévenu et laissé paraître sur le Twitter et sur le forum, on compte faire un live, notre tout premier live, qui aura lieu donc ce dimanche, 18 avril 2010. C'est une date qui fera date, hein. Et donc on sera en live, on va vous donner dans les liens de l'émission sur le site et certes probablement sur le forum la page sur laquelle il faudra vous rendre. Ce live aura lieu à 21h, je pense qu'on sera peut-être en ligne et qu'on fera des tests avant, mais bon, on vous promet rien. On va parler du courrier des auditeurs, donc si vous avez encore des choses à nous envoyer d'ici là, faites-le. Et bah, ce sera... enfin, l'occasion de pouvoir un petit peu interagir avec vous lors d'un épisode de Wotaku. Ça nous fera très plaisir. Et inutile de vous rappeler, donc c'est notre toute première tentative, donc ne vous attendez pas à quelque chose de, comment dire, de parfait. Hein, à mon avis, s'il n'y a pas un problème technique, c'est que c'est pas normal. Et voilà, c'est notre grand baptême, donc on ne sait pas comment ça va se passer. Attendez-vous à ce que ce soit un peu bordélique. Bon, ouais, pour tout vous dire, on va se la faire à l'apéro du Captain Touch. Donc venez à 21h, mais l'épisode commencera vers 23h minuit. Non, quand même pas. Non, nous, on essaiera d'être à l'heure parce qu'il y en a qui travaillent. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc voilà, bah, on espère vous voir nombreux en tout cas. Et ce sera bien. Enfin, ce sera en même temps un petit test. Bah, on se lance tout de suite dans les classes. C'est parti. Hein. Bon courage. Merci. Alors pour le prêtre, on va commencer d'abord par vous détailler en fait les nouveaux sorts qui arrivent, et ensuite on parlera un peu des modifications qu'il y a eu au niveau des talents et des mécaniques de ce qu'on connaît. Alors, nouveau sort. En fait, celui-là, c'est pas vraiment un nouveau sort, parce que c'est un sort qu'on connaît et qu'on apprend aux alentours du niveau 16 en tant que prêtre, c'est le sort soin. Et en fait, c'est la version avant soin supérieur, ce qu'on utilise du niveau 16 au 40. Et en fait, c'est un soin qui se situe entre le soin rapide et le soin supérieur. Et arrivé au niveau 40, le soin disparaît, on récupère soin supérieur. Et en fait, les développeurs, ils se sont dit, on va donner au prêtre un troisième sort de soin direct, qui sera donc le sort soin, tout con. Qui permettra justement d'avoir une alternative au soin rapide ou au soin supérieur. Parce qu'actuellement, soit on fait un soin super rapide qui consomme beaucoup en mana, soit on fait un gros soin qui consomme encore plus en mana et qui rend beaucoup de vie. Et on n'a pas forcément le choix pour avoir un soin alternatif. Donc là, ce sera une possibilité justement pour tous les soigneurs d'avoir un soin entre les deux. Moi, je trouve l'idée très intéressante. Ensuite, au niveau 81, on aura un sort qui s'appelle la pointe mentale. Donc, ça se situe plutôt dans la branche ombre. Bien que ce sera disponible à tous les prêtres, ça fonctionne un peu comme l'éclair de givre-feu des mages. Ça va faire à la fois des dégâts de givre et d'ombre. Et en fait, si la cible est plus vulnérable, par exemple en ombre, ben, il aura plus de dégâts d'ombre. S'il est plus vulnérable au givre, il aura plus de dégâts de givre. Et s'il est autant vulnérable aux deux, ce sera mitigé en fait. Ce sera autant givre que ombre. Et la volonté en fait des développeurs par rapport à ce soin, c'est de donner un soin d'attaque rapide au prêtre ombre parce que ça manque un peu. Et dans leur logique à eux, en fait, donc c'est un soin rapide, donc incantation courte, et forcément pas beaucoup de dégâts. Donc si en fait vous utilisez ce sort, ce sera égal au fouet mental associé au sort mode douleur, le dot en fait, des sorts prêtre ombre. Donc voilà, donc ça permet justement au prêtre-homme d'être un peu plus réactif sur les combats courts. Niveau 83, nouveau sort qui s'appelle Volonté intérieure. Alors ça, c'est un sort qui va permettre justement d'augmenter votre vitesse de déplacement de 12% et de réduire le coût des sorts instantanés de 10%. Ce sera surtout en fait pour le déplacement, ça va être assez intéressant justement. Si vous avez besoin de vous déplacer rapidement, là je pense surtout en JCJ, parce que bon, en joueur contre ennemi, je vois pas trop où on a besoin de courir très vite. Et a priori, d'après ce que j'ai compris, ce serait une amélioration exclusive comme feu intérieur. Donc ça veut dire que soit on aura volonté intérieure qui augmente la vitesse de déplacement et réduit le coût en mana des sorts, soit on aura le feu intérieur qui augmentera l'armure. Donc a priori, ça c'est une nouveauté chez les prêtres. Et le dernier sort qui m'a beaucoup plu, c'est le sceau de la foi ou poigne de la vie. C'est en fait tout l'inverse des chevaliers de la mort. Donc eux, ils ont une poigne qui permet d'attirer l'ennemi à eux. Ben, les prêtres, ils auront désormais une poigne qui permettra d'attirer un allié à eux sur une distance de 30 mètres avec une recharge de 45 secondes. Et justement, ce sera surtout utile en JCJ. Et je pense que ça va être pas mal en JCJ où tu auras d'un côté le prêtre qui tire avec sa poigne, de l'autre côté le chevalier de la mort qui retire le mec de son côté. Alors sinon, au niveau des sorts déjà actuellement en place, tout ce qui est soins et dégâts sur la durée seront affectés par la hâte et les chances de critique. Ben, alors ça concerne toutes les classes. Que ce soit tout ce qui est sur la durée, en fait, ça bénéficiera des critiques. Donc, par exemple, vos soins sur la durée pourront critiquer. Et les dots, donc les dégâts sur la durée, pourront critiquer. Et en plus, bénéficieront de la hâte. Ce qui signifie, en fait, la hâte ne va pas réduire le temps de la durée totale du sort, mais plutôt augmenter, faire en sorte que plus vous avez de hâte, plus vous aurez une chance d'avoir un tick en plus. Donc, c'est-à-dire une itération de soins ou de dégâts en plus. Ensuite, une petite modif au niveau du mot de la mort, mort, mot de l'ombre mort, pardon. Ils comptent en faire une exécution, une technique qui sera utilisable uniquement quand la cible est en dessous de 25%. Donc là, ça me fait surtout penser au paladin avec son marteau de je ne sais plus quoi, je sais plus comment il s'appelle. Bah, War avec son exec, le chasseur avec son tir mortel, en dessous de 20%, ça fait un tir qui, si critique, fait beaucoup plus mal, Ouais, etc. ça fait très très mal. Donc ils comptent faire pareil pour le prêtre. Il y a une chose aussi qu'ils ont dit, développeurs, qui m'a semblé un peu bizarre, c'est qu'ils comptaient faire du prêtre discipline un prêtre encore plus efficace dans le soin mono-cible, en fait. Donc, en fait, une chose que j'ai pas trop compris avec les prêtres discipline, c'est que les développeurs souhaitent faire en sorte qu'ils soient encore plus efficaces sur le mono-cible. Alors, déjà, le discipline, c'est limite le soigneur par excellence pour tout ce qui est tank. Et d'après eux, il n'est pas assez efficace, ils comptent encore un peu l'augmenter, un peu le Bah, booster. je pense que c'est pour le PVP, ça, enfin, sans vouloir dire parce que il y a une efficacité sur la durée, alors je ne sais pas si c'est ça, parce que sur la durée, vu que les combats seront plus longs, que ce soit en PVP ou en PVE, ben, peut-être ça. Et aussi au niveau du PVP, par exemple, quand on est deux, il peut se soigner lui et soigner la cible, donc alternance, par exemple, contrairement au paladin qui peut juger mana, enfin mettre, je crois, le sceau de piété, je ne sais plus ce que c'est, ou Sagesse. voilà, sagesse. Et en fait, ben, vu que les combats seront plus longs, ben, peut-être que ben, ils veulent l'augmenter un petit peu. Mais c'est vrai que ça restait déjà un très bon healer au niveau mono-cible pour les combats PVP. Alors, je sais pas ce... Mais en fait, le problème, c'est que là, on juge par rapport à maintenant. Il faudra voir Ouais. aussi par rapport aux autres classes. Il y a beaucoup de choses qui vont changer avec Cataclysme, mais c'est vrai qu'il faut oublier un peu comment on est maintenant et il faudra pratiquement réapprendre à jouer en fait ces classes et revoir le jeu carrément parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui vont changer. D'ailleurs, un des gros changements, c'est justement l'esprit divin, la prière d'esprit du prêtre, donc qui augmente l'esprit des alliés, va être carrément retiré du jeu. Étant donné que l'esprit en fait devient une caractéristique de base pour tout ce qui est régénération de mana, bah, en fait, ils veulent faire en sorte qu'il n'y ait plus une classe avantagée par rapport aux autres, ils mettent tout le monde sur un pied d'égalité, donc ils enlèvent des prêtres carrément. Et les améliorations au Béné des Rois et Marc Tufov, qu'on verra chez le druide et le paladin plus tard, ces améliorations n'augmenteront pas l'esprit. Ils augmenteront tous les autres stats, mais pas l'esprit. Et bien sûr, ils finissent en disant que la mana sera beaucoup plus importante pour tous les soigneurs, et qu'ils comptent faire en sorte qu'actuellement, le soigneur, admettons, il lui reste 3% de vie, en pratiquement 2 soins, il se remet full vie, en histoire de 2 ou 3 secondes. À l'avenir, ce ne sera plus du tout possible, ça, parce qu'en fait, on aura beaucoup plus de points de vie, et les sorts de soins rendront moins de points de vie qu'actuellement. Voilà, et ensuite, 2-3 petites infos au niveau discipline.

parce que le problème est qu'on est surtout des trucs de taunt, d'attrape de cible, d'intervention ou quoi. Parce que le problème, c'est que c'est bête à dire, mais si on en revient au PVP, puisque c'est surtout un peu le truc central de Cataclysme, c'est que on a quelqu'un en face qui a 50 000 points de vie et qui fait quand même passablement de dégâts, qui peut en plus, suivant les certaines classes, se soigner. C'est un petit peu compliqué quand même. Après, ça reste un petit peu subjectif. Ouais. Bon, je passe la main à Circle dans ce cas-là. Donc je vais parler du guerrier. Alors vous me pardonnerez parce que je ne connais pas très très bien les guerriers. Alors on va pour parler des nouveaux sorts qui sont disponibles. Le premier sera la rage intérieure, disponible au niveau 81. Et ce sera en fait à chaque fois que le guerrier arrive au maximum de ses points de rage ou à 100 points de rage, il bénéficiera d'une amélioration qui fait consommer aux attaques 50% de rage en plus, mais inflige 15% de dégâts supplémentaires pendant une courte durée. Alors, c'est une technique passive qui sera pas à activer. Et en fait, je pense que c'est pour donner le choix au guerrier de pouvoir burster une fois qu'il est au maximum. Bien entendu, sur un court instant, mais de pouvoir, si le besoin en est, peut-être de pouvoir fournir un supplément de dégâts. Donc, c'est pas mal, ça reste un sort un petit peu... comment expliquer ça? Ce serait un petit peu comme une sorte de... comme le sort passif des orques. Il y a la fureur sanguinaire qui augmente de 320, je crois, la puissance d'attaque. Donc, c'est un peu ça. Par exemple, ce sera une possibilité de sélectionner ça pour pouvoir faire plus de dégâts. Ensuite, il y a la blessure hémorragique au niveau 83. Donc, ce sera un effet de saignement. Les wars avaient déjà un effet de saignement. Mais simplement que si la cible se déplace... le saignement gagne une charge supplémentaire. Donc en fait, si vous infligez ce sort à un ennemi, s'il va se déplacer, vous allez gagner une seconde charge que vous allez pouvoir réinfliger à la cible et jusqu'à une troisième fois en fait, maximum. La durée sera réinitialisée du moment où la cible bouge et que la nouvelle charge proc. Et en fait, c'est actuellement prévu que cette technique n'ait pas de temps de recharge, donc il coûte 10 points de rage et une durée de 9 secondes. Donc cette blessure hémorragique sera conçue pour être moins puissante que pour fendre, mais qui a une seule charge, mais plus puissante quand elle est cumulée jusqu'à 3 fois. Donc, et en fait, ce sera simplement pour empêcher la cible de se déplacer, ce sera un petit peu au choix. C'est-à-dire que la cible se dira « si je me déplace pour faire du kiting, pour me barrer du war, je vais prendre plus de dégâts. » c'est selon, vraiment selon. Ensuite, le troisième sort qui sera au niveau 85, qui est le bon héroïque. Alors le bon héroïque, je ne sais pas si vous voyez les druides ce qu'ils peuvent faire en feral, c'est-à-dire sauter sur leur adversaire, c'est ça. C'est à peu près la même chose, sauf qu'en plus, ça fera subir un coup de tonnerre à tous les ennemis dans la zone où il atterrit et sera utilisable en posture de combat et partagera un temps de recharge avec la charge. Donc, ce sera soit l'un, soit l'autre. Sauf que celle-ci, je pense que soit en combat de groupe, en PVP de groupe, sera très pratique pour un petit peu semer le bordel dans le groupe adverse, soit simplement pour prendre l'aggro sur un pack de mobs en PVE, simplement puisqu'on créera donc un coup de tonnerre. Et les talents mastodonte et porte-guerre permettront au bon héroïque d'être utilisé avec n'importe quelle posture. Voilà, j'en viens. Donc, ça permettra de l'utiliser un peu n'importe quand au combat. Et le temps de recharge de cette technique sera peut-être plus long que celui de charge si on l'utilise dans une autre posture. En fait, ça, ils sont pas encore tout à fait sûrs. Et en plus, elle aura un effet d'étourdissement, permettant d'être certain que la cible sera toujours là quand on atterrira. C'est-à-dire que c'est un peu comme la charge. La charge, même si elle est interrompue, la cible, elle est hébétée, donc elle est étourdie. Là, ce sera un peu pareil. Donc, c'est tout pour les sorts. Ensuite, les changements apportés aux techniques et mécanismes. Donc, en fait, il y aura et des changements par rapport aux techniques déjà connues, et il y aura des changements qui seront... des nouveautés qui seront apportées par rapport aux techniques. La frappe héroïque sera plus une attaque au coup suivant, parce qu'ils vont supprimer la technique au coup suivant, c'est-à-dire que quand on réussit une attaque avec tel tir ou telle attaque, on peut déclencher la possibilité d'avoir une autre attaque. Non, ce sera une attaque simple. Et pour conserver son rôle en tant que déversoir de rage, elle deviendra une attaque instantanée. mais par contre coûtera plus cher. Et alors elle aura un coût entre 10 et 30 points de rage, c'est-à-dire que le guerrier pourra choisir. Il pourra attaquer dès qu'il a 10 points de rage, donc faire une frappe héroïque. Simplement, elle fera un certain nombre de dégâts, et s'il préfère attendre d'avoir 30 points de rage pour la faire, il pourra la faire à 30 points de rage, mais elle fera plus mal. Donc c'est un peu de nouveau ce système de choix en fait. Donc soit on le fait plus rapidement mais on fait moins mal, soit on attend et on fait plus mal. Voilà. Il y aura d'autres techniques telles qu'enchaînement et exécution qui fonctionneront de la même façon en fait. C'est le but est, comme j'ai dit, de donner aux joueurs une option. Une option de taper plus vite ou taper plus fort. Le cri de guerre, cri de commandement et peut-être le cri démoralisant fonctionneront davantage comme une technique comme celle du corps de l'hiver du chevalier de la mort. Elles ne coûteront pas de ressources, généreront de la rage en plus de leurs effets actuels. Par contre, elles auront un petit temps de recharge. Éviter que les guerriers les spamment. Alors ça, c'est bien. Le tourbillon. En fait, le tourbillon deviendra vraiment une AOE, c'est-à-dire qu'il sera vraiment voué à toucher plusieurs cibles, un nombre de cibles illimité, fera un peu moins mal. Par contre, il n'infligera seulement que 50% des dégâts de l'arme. L'intention est claire, c'est de l'utiliser plus en PvE qu'en PvP. Donc plus contre les multi-cibles qu'une mono-cible en PvP. Et dans l'ensemble, les soins lancés par les joueurs dans Cataclysme seront inférieurs par rapport au point de vie des joueurs dans le jeu actuel. Donc afin de rendre l'affaiblissement frappe mortelle moins indispensable, mais quand même utile en JCJ, il réduira les soins de 20% seulement. Donc je pense que c'est important parce que c'est vrai que si il y a des trucs qui sont cumulables, c'est-à-dire la frappe mortelle et par exemple la visée du chasseur, vu que les soins deviendront beaucoup plus importants sur la durée, si on pouvait cumuler des sorts aussi puissants de réduction, ça deviendrait trop facile au niveau des compositions d'arène. Et pour finir, juste le fracasse armure, il y aura plus 5 charges, enfin 5 stacks, ce sera 3 fois. La réduction sera pareille, de 4% pour chacune, et en fait, ils veulent simplement que cet affaiblissement soit plus facile à appliquer, donc pas besoin d'attendre les 5 fracasses. Vous me direz, à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment besoin, puisque les gens dépèsent comme des bœufs tout de suite. Et en fait, ça fera moins varier les dégâts quand ils disparaissent, c'est-à-dire aussi qu'ils ne seront pas obligés de le rétablir dans leur cycle. Ensuite, pour les talents, les nouveautés et modifications des talents. Donc, le talent fracassement furieux de la branche fureur permettra à la technique fracasser armure d'infliger 25 à 50% des dégâts de l'arme et réduira la menace générée de 50 à 100%. Les talents spécialisation masse et achat de main dans l'arbre armes seront supprimés. En fait, ils vont conserver les talents de spécialisation épée, mais il sera changé par un talent qui s'appliquera à tous les types d'armes, en fait, parce que simplement les spécialisations en fait masse et armes d'ast, enfin et hache de main plutôt, ça offrait des bonus passifs si vous voulez qui n'étaient pas vraiment dans la conception de Cataclysme. Et en tant que talent de la branche fureur, voix tonitruante augmentera la rage générée par des cris. Donc les cris cris de commandement, etc. Donc ensuite, ils vont implanter dans l'arbre fureur un talent appelé fureur obsessionnel, ce qui augmentera grandement les dégâts infligés par les armes à une main, en fait. Armes à une main x2, hein, c'est-à-dire les paires d'armes à une main. Ensuite, plusieurs talents qui réduisent le coup de rage de techniques seront modifiés afin d'augmenter les dégâts de ces techniques à la place. Et avec le nouveau talent de la branche arme appelée nature désarmante, les désarmements réussis feront se recroqueviller de peur la cible pendant 5 à 10 secondes. Donc ça fera en fait un effet de fire. Un autre nouveau talent de la branche arme appelé attaque éclair permettra à la technique charge d'infliger des dégâts supplémentaires. Alors je ne sais pas ce qu'ils comptent faire vu que déjà les guerriers fureurs qui savaient bien gérer leur classe pouvaient se permettre de faire intervention, changement de posture ou changement d'arme et faire une charge directement après. Je pense que bon. On verra sur le moment. Le montant pourra varier en fonction de la distance parcourue. Donc ça, en fait, ce sera... si le guerrier, je pense, arrive à prendre plus de distance, il fera plus mal. Ou l'inverse, je ne sais pas. Et la volée de coups sera améliorée. Une intervention réussie avec ce talent de l'arbre fureur générera 10 à 20 points de rage. Donc on se rend bien compte qu'ils essayent de créer une régénération des points de rage, aussi d'énergie et de focalisation, qui seront plus grands au vu des combats qui dureront plus longtemps aussi. On va passer donc pour les bonus passifs liés aux arbres de talent. Donc la spécialisation arme favorisera les dégâts mêlés, la pénétration d'armure et la frappe bonus. La frappe bonus, qu'est-ce que ce sera? Ce sera un talent similaire à celui qui est spécialisation épée. Frappe bonus fonctionnera pour toutes les attaques et avec toutes les armes. Vous aurez une chance de déclencher une frappe gratuite et instantanée qui infligera 50% des dégâts de l'arme. C'est un petit peu comme pour les chasseurs, le carquois sauvage qui permettait de tirer une flèche bonus. Ensuite, le talent fureur qui favorisera les dégâts en mêlée, la hâte en mêlée et l'intensité enragée. À l'intensité enragée, donc nouvelle chose, tous les avantages de quand on est enragé seront accrus. Cela comprendra qu'on produira plus de dégâts, de soins, etc. avec les techniques telles que rage sanguinaire, souhait mortel, enragé, rage berserker et régénération enragée. Et pour finir, l'aspect protection qui favorisera les réductions des dégâts, la vengeance et les chances de blocage critique. Donc la vengeance, qu'est-ce que ce sera? Ce sera un mécanisme qui permettra d'assurer que les dégâts du tank et donc la menace qu'il génère ne restent pas à la traîne. C'est un petit peu comme le druide. Simplement pour que le war puisse faire plus de dégâts. Alors bon, moi je reste sur le fait que les war qui arrivent à faire un équipement correct, un équipement PVP dégâts et une branche protection font sacrément mal déjà. Enfin bon. Et les chances de blocage critique, ils avaient mentionné dans l'aperçu des modifications des caractéristiques que le score de blocage changerait pour devenir une chance de bloquer. En fait, 30% des dégâts d'une frappe en mêlée. Les guerriers protection donc auront une chance que leur blocage soit critique et bloque 60%. Donc en fait, ça va augmenter cette aptitude des dégâts des coups en mêlée, des dégâts de coups critiques, je pense, en mêlée à la place. Il y aura probablement des talents disponibles pour augmenter à davantage encore le montant bloqué. Donc on verra, je pense qu'on arrivera à avoir des guerriers qui bloqueront jusqu'à peut-être 70%, 80% des dégâts quand ce sera proqué. Je sais pas, on verra bien. Donc voilà, c'est tout pour le guerrier. Et donc je passe la main à notre cher Ludo. Ben, j'ai enchaîné alors dans ce cas-là sur le chaman. Alors pas mal de modifs également encore une fois sur le chaman. Alors pour commencer, on va avoir deux nouveaux sorts à bas niveau. Le premier, ce sera au niveau 3 qui sera frappe primordiale. Alors ça sera surtout pour que les chamans se sentent en tant que chaman amélioration dès les premiers niveaux. Parce qu'actuellement, en fait, si vous êtes un chaman amélioration, vous n'avez pas de propre, enfin de compétences amélio, pas avant le niveau 40. Jusqu'à ce que vous obteniez frappe tempête. Donc là, ce sera en fait, avant frappe tempête, vous aurez un sort qui s'appelle frappe primordiale. Alors, on ne sait pas exactement ce qu'il fera, mais on pense que c'est un sort à dégâts directs avec l'arme. Et après, au niveau 40, sera remplacé par frappe tempête. Ensuite, au niveau 4, vous obtiendrez vague de soins. Donc, vague de soins, c'est déjà un sort qui est connu par les chamans. Et en fait, le sort vague de soins qu'on connaît actuellement sera renommé en vague de soins supérieure. Et cette vague de soins, ce sera en fait, comme pour le prêtre, un troisième sort de soins direct. Ça vous permettra justement d'avoir le choix entre trois sorts à lancer. Et il s'espère également, les développeurs, que ce sort devienne en fait le soin pivot du chaman, tout comme le prêtre. Voilà. Donc là aussi encore un peu plus de possibilités pour le chaman restauration. Ensuite on passe au niveau 81 où là on obtient un sort qui s'appelle déchaînement de l'arme. Alors déchaînement de l'arme, ça va en fait utiliser les enchantements que vous avez sur votre arme, donc les enchantements du chaman en général, et en fonction de l'enchantement que vous avez dessus, ça va déclencher un effet supplémentaire. Petite note, pour le chaman amélioration ambidextrie, ça déclenchera les deux effets. Donc un sur chaque arme, donc ça fera deux effets. Alors par exemple, on peut noter que si vous avez Furie des Vents sur votre arme, ça lancerait une version spectrale de votre arme sur la cible qui inflige 50% des dégâts de l'arme et également augmente la hâte du chaman pour les 5 coups suivants. Si vous avez Langue de Feu, ça augmente les dégâts de feu instantanés et améliore la prochaine attaque de feu du chaman de 20%. Si vous avez l'arme vif d'air, c'est pour tout ce qui est soin, ça surtout, ça soigne un peu la cible et augmente et améliore en fait le prochain soin du chaman de 20%. Ça c'est déjà bien cheaté, hein, je trouve. Hein. Ensuite au niveau 83, on obtient pluie guérisseuse. Alors c'est un sort de soin à zone d'effet qui invoque de la pluie et qui va soigner tous les joueurs dans la zone. Donc le nombre de joueurs affectés n'est pas limité, mais en fait plus il y aura de cible, plus il y aura un rendement décroissant, forcément. Donc là, c'est un temps d'incantation de 2 secondes et pour une durée de 10 secondes et un temps de recharge de 10 secondes. Donc en gros, on pourra plus ou moins spammer la plus guérisseuse de bout en bout, en fait, de début jusqu'à la fin. Et le dernier sort au niveau 85, c'est grâce du marchand des esprits. Alors en fait, quand vous lancez cette amélioration, c'est une amélioration personnelle. En fait, ça fait en sorte que quand cette amélioration sera active sur vous, vous pourrez lancer tous vos sorts même en vous déplaçant. Donc là, ça va donner pas mal de possibilités, notamment en JCJ. Et a priori, il y aurait peut-être pas de temps de recharge global, mais ça, c'est pas sûr. Mais en gros, justement, si vous avez besoin de vous soigner, d'infliger des dégâts supplémentaires, ben vous pourrez le faire justement pendant que vous vous déplacez. Donc ça dure 10 secondes et c'est un temps de recharge de 2 minutes. Je trouve que c'est quand même énorme ce truc. Alors ensuite, les changements portés aux techniques et mécaniques du chaman. Le chaman, donc restauration, devra faire attention à sa mana. Donc ce sera une généralité encore une fois pour tout ce qui est classe de soins. Le chaman disposera désormais du talent purifier l'esprit, qui sera une technique de base, qui sera donc accessible au chaman quelle que soit la spécialisation, et qui ne pourra dissiper que les malédictions. Ensuite, les chamans de restauration auront un talent qui leur permettra d'améliorer l'esprit, enfin d'améliorer le talent purifier l'esprit, qui permettra également de pouvoir guérir le poison, tout simplement. Donc en gros, jusqu'à présent, les chamans pouvaient guérir poison, maladie, et si vous étiez resto, c'était les malédictions, maintenant c'est tout le contraire. Vous pourrez donc de base dissiper les malédictions, et les poisons sera uniquement si vous êtes restauration, et les maladies, ben, vous ne pourrez plus les purifier. Par conséquent, le totem de purification sera supprimé du jeu. Et comme on discutait dans le Otaku épisode 3, il y a des modifications qui vont venir justement sur les dissipations, qui rendront en fait les dissipations plus coûteuses en mana et qui seront également plus pénalisantes dans le sens où si, enfin dans tous les cas que vous lancez la dissipation, ça coûtera la mana et s'il n'y a rien en fait à dissiper, ça se lancera quand même. Actuellement, c'est pas le cas. Bah, c'est pas mal parce qu'il y en a justement qui jouaient dans certaines équipes d'arène. Par exemple, aux dissipations, c'est-à-dire qu'il y avait une classe qui était quasiment faite pour ça. Enfin, un mec qui spammait ça avec la Don Gladius, ça devenait trop facile. Bah, donc c'est bien. Moi, c'est ce que je fais à la main sur les druides resto en fait. Je spam en fait ça sur la dissipation pour enlever tout leur hôte. Mais bon, je le fais. Ouais, voilà. Mais le truc, c'est qu'avant, voilà, il y en a qui faisaient ça simplement avec soit macro, soit Don ou je ne sais pas quoi, et simplement on n'avait qu'à le spammer vu que ça coûtait pas énormément. Ah ouais. Et bah, ça devenait injouable, ça devenait de l'anti-jeu quasiment. Ouais, tout à fait. Petite modif également au niveau du totem du Kourou. Totem du Kourou, c'est en spé et l'em, ça remplace en fait le totem langue de feu. En gros, ça augmente la puissance des sorts de X%. Donc maintenant, totem de Kourou sera pour tous les chamans. Et si vous êtes élémentaire, vous aurez un talent qui augmentera justement encore plus la puissance des sorts offerts par ce totem. Il pense également peut-être aux chamans élémentaires de leur donner la possibilité d'invoquer des totems incendiaires à distance. Le totem incendiaire, c'est le petit totem qui fait des dégâts sur une cible en fait. Et une autre chose qui m'a beaucoup étonné également, c'est qu'il souhaite également libérer la spécialisation amélioration des temps de recharge globaux afin de rendre la classe plus dynamique. Perso, je trouve que le chaman améliore justement pour l'avoir joué pendant un bon moment. Je trouve que c'est une classe très dynamique, même avec les temps de recharge global. Oh oui. Et pour avoir joué contre et avec des chamans amélio, alors je sais pas, peut-être c'est pour le PvE ça plus, parce que pour le PvP, un chaman amélio, excusez-moi du peu, hein, il balance ses loups, il balance tout son truc, il a son totem de furie des vents qui claque. Ouais. Il fait juste énormément de dégâts et en plus il peut suivre en ayant la transformation loup fantomatique assez rapide. Ouais, on peut avoir une instantané, ouais, tout à fait. Et en plus, donc, il peut se healer. Bon, ça, c'est une chose, mais je pense qu'il est franchement assez dynamique. Alors, peut-être c'est pour plus tard, justement, hein, comme on dit toujours, on ne sait pas vraiment, puisque c'est un cataclysme. Ouais. Faut prendre en compte les changements liés aux autres classes aussi. Ouais, parce que c'est vrai qu'actuellement, c'est absolument pas morne, hein. Enfin, morose des joueurs avec. Hein. Ouf, on verra bien. Par contre, faut avoir un de l'équipement et être assez bon, parce que sinon, on se fait vite rétamer. Oui, ça se confirme. La survivabilité des chamans en JCJ, c'est autre chose. Ouais. Ensuite, il parle également d'ajouter séisme plus loin dans l'arbre élémentaire, avec un effet de zone ciblée persistante. Alors séisme, actuellement, s'il parle du totem de séisme, ce qui permet justement de retirer le fear. Ensuite, ils réfléchissent également à réinstaurer un talent qui s'appelle lien de l'esprit, qui sera disponible dans l'arbre resto. En fait, lien de l'esprit, c'est vous allez mettre l'amélioration sur deux cibles, et en fait, les cibles vont se partager les dégâts à hauteur de 50% chacune, jusqu'à un certain nombre de points de vie. Ils avaient essayé de faire ça justement pour Wrath of the Lich King, mais a priori ils avaient abandonné l'idée. Là, ils comptent justement la faire revenir encore une fois, parce qu'ils aimaient bien l'idée. Et voilà, donc là on passe maintenant au bonus passif des arbres de talent. Alors si vous êtes élémentaire, donc dégâts à distance, ce sera vous augmenterez les dégâts des sorts, le critique des sorts et la surcharge élémentaire. Donc la surcharge élémentaire en fait c'est quand vous ferez des sorts de dégâts directs, vous aurez une chance de déclencher une version un peu moins puissante du même sort gratuitement. C'est un peu la même chose qu'on a actuellement avec surcharge de foudre, les chamans élémentaires comprendront. Si vous êtes amélioration, ça augmentera vos dégâts en mêlée, la hâte en mêlée et les dégâts de nature. Ben, tout simplement, les dégâts de nature seront un peu plus puissants. Et si vous êtes restauration, ça augmentera les soins, la méditation et les soins profonds. Alors, tout à l'heure, je ne l'ai pas précisé pour les prêtres, mais la méditation, ça en fait convertit l'esprit en mana. Donc, si je comprends bien, c'est plus d'esprit égale plus de mana, si on suit la logique. Et soins profonds, en fait, c'est les sorts de soins directs rendent plus de vie aux cibles qui ont moins de points de vie. Donc, c'est-à-dire, genre, vous avez une classe qui a 30% de points de vie, ben, vos sorts de soins soigneront beaucoup plus que si cette personne avait 90% de points de vie. Et ce qu'il dit, ce qui est très important, c'est qu'en fait, chaque pourcentage en moins ben, fera en sorte que vous soignerez toujours un peu plus. Ce ne sera pas des paliers, genre, ce ne sera pas entre 0 et 15%, entre 15 et 50% de points de vie, etc. Donc, c'est chaque pourcentage augmentera en moins, augmentera les soins. Voilà pour le chaman. Donc j'enchaîne sur le démoniste. Donc on a pour nouveau sort au niveau 81, donc on a le sort Gangreflamme. Il s'agit d'un sort rapide infligeant des dégâts d'ombre-feu. Il est similaire avec la givre-feu, où la plus faible des résistances, si ombre et feu, est prise en compte pour calculer des dégâts infligés. La gangreflamme réinitialise la durée de votre immolation et affliction instable. Ce qui veut en fait dire, c'est que les développeurs veulent favoriser la mobilité des démos, démonologie et destruction. Et, petite touche sympathique, le sort permettrait de lancer des flammes vertes. Un sort instantané en plus. Voilà. Donc, encore un peu plus de style pour les démonies, c'est ça le bâtard. C'est ce que j'allais dire. Sombre intention, niveau 83. La cible du sort bénéficie d'une chance plus grande d'obtenir un effet critique pour les dégâts et les sons sur la durée. Lorsque la cible du sort obtient un effet critique, les dégâts du démoniste sont augmentés pendant 10 secondes. Cet effet peut être accumulé jusqu'à 3 fois. J'enchaîne le sort niveau 85, l'âme du démon. Donc l'âme du démon va fusionner, l'âme du démoniste va fusionner avec celle du démon, et les démonistes vont bénéficier d'un moyen d'infliger rapidement des dégâts qu'ils devront utiliser au moment opportun. Et donc les effets vont dépendre du type de démon utilisé, et l'âme du démon sera disponible tant que des charges sont disponibles, et se dissipe au bout de 20 secondes environ. Le temps de recharge est de 2 minutes. Enfin, un gros changement pour le démoniste, c'est sûrement son changement au niveau du système de fragments d'âme. Donc les fragments d'âme ne seront plus des objets contenus dans l'inventaire, mais seront en fait une ressource qui vont être intégrées dans l'interface. Donc le démoniste disposera de 3 fragments d'âme par combat et ne pourront pas en regagner au cours du combat. Les fragments d'âme n'auront pas d'utilité quand vous ne combattez pas. Brûleur d'âme utilisera un fragment d'âme et vous permettra de bénéficier d'effets secondaires pour certains sorts. Il ne coûtera ni mana ni point de vie, ne fait pas partie du temps de recharge global. Donc après, ça donne quelques effets secondaires, j'en donne quelques exemples. L'invocation d'un démon plus brûleur d'âme, votre démon sera invoqué instantanément. L'affliction instable et plus la brûleur d'âme, vous infligez des dégâts instantanément à 30% des dégâts supplémentaires. Feu de l'âme plus brûleur de l'âme, le sort est lancé instantanément, donc c'est encore un truc de salopard. Changement pour les capacités, les mécaniques. Les dégâts, comme d'habitude, dégâts infligés sur la durée seront critiques. Pourront être critiques et bénéficieront de la hâte. La hâte ne réduira plus la durée de ses sorts, mais permettra d'obtenir un effet supplémentaire. Lorsque vous relancez un sort sur la durée, vous ne pourrez plus couper le dernier effet du sort précédent. Désormais, la durée du sort sera augmentée quand vous le relancez sur la même cible à la manière d'affliction éternelle. La malédiction d'agonie et la malédiction funeste seront transformées en plaies d'agonie et en plaies funestes, donc les sorts de type plaies seront considérés comme des effets magiques et non plus des malédictions, donc vous pourrez lancer une plaie et une malédiction sur chaque cible. Flamme infernale n'inflige plus de dégâts aux démonistes. Les diablotins ont perdu le sort bouclier des flammes, mais ils ont accès à une nouvelle capacité, braise enflammée, un sort de dégâts sur la durée dont les effets peuvent se cumuler. La portée de la succube va être augmentée, n'aura plus accès au baiser apaisant, mais pourra utiliser coup de fouet qui renverse à tous les ennemis dans un rayon de 8 mètres. Le tourment du marcheur du vide infligera des dégâts plus élevés et générera de la menace de zone. Souffrance ne touchera plus qu'un ennemi à la fois. Nouveau talent, échauffement pour les talents existants. Pour Denny, permettra à Drindam de réinitialiser affliction instable et plaies d'agonie sur les cibles dont le montant de points de vie est inférieur à 25%. Le sort domination rompu est supprimé puisque la brûleur d'âme permet d'obtenir un effet similaire. La branche démonologie va gagner un sort permettant d'infliger des dégâts directs. Trait du démon. Il applique un effet applique un effet d'affaiblissement qui augmente les dégâts infligés par les démons sur la cible. Les développeurs veulent rajouter un nouveau talent, malédiction imminente, qui permettra à certains sorts une chance de réduire le temps de recharge de métamorphose, c'est plus funeste. La métamorphose ne sera plus sensible aux sorts de contrôle des démons. De plus, les capacités utilisables uniquement en forme de démon seront modifiées afin de mettre l'accent sur les propres sorts du démoniste. Et enfin, les dégâts infligés par brûlure de l'ombre seront plus élevés lorsque la cible passera sous les 25% de points de vie. Les arbres de talent ont bonus passif vite fait. Les dégâts d'ombre sur la durée, les dégâts infligés par les sorts des dégâts d'ombre sur la durée sont augmentés. Dégâts de démons, les dégâts des démons et familiers et métamorphoses sont augmentés. Et enfin, dégâts de feu direct, les dégâts des forces. Des sorts infligeant des dégâts de feu direct sont augmentés. À mon avis, ça va être bien marrant de jouer un démoniste à Cataclysme. Alors, c'est parti pour le chasseur. Donc, alors, on va directement se focaliser sur les trois nouveaux sorts qui seront disponibles. Alors, le premier sera le tir du cobra au niveau 81. Donc, ce sera un nouveau tir infligeant des dégâts de nature au lieu de dégâts physiques. Cette technique partagera le même temps de recharge que la technique tir assuré. Vous comprendrez plus tard pourquoi. Les chasseurs auront ainsi une alternative au tir assuré contre les cibles avec une importante armure. Enfin, des bonus de talent seront présents dans la branche maîtrise des bêtes afin d'en faire un tir caractéristique. Ensuite, un sort donc là très intéressant. On verra bien si je ne crie pas trop vite je bonheur. Ce sera le lance-piège au niveau 83 qui sera un sort qui, quand il est utilisé, permettra au prochain piège d'être lancé à 40 mètres de distance. Donc ce sera un petit peu comme la flèche givrante actuelle, simplement que ce sera pour tous les pièges. Et en fait, donc, la flèche givrante sera donc retirée de la barre de talent. Et il y aura une minute de temps de recharge, qui sera pas affecté par le temps de recharge global. Par contre, moi je donne mon petit avis, c'est bien, mais il faudrait quand même que ça devienne quelque chose d'un petit peu furtif. Parce que la flèche givrante, c'est un peu un truc qu'on voit à 100 km. Ça fait des petites lumières blanches quand ça arrive. Ça fait une espèce de fake hour quand ça arrive. Et le mec, il a le temps de foutre le camp de l'autre côté de la map quand il va arriver. Et en plus, le temps que ça arrive, il y a un petit délai du haut de l'axe tellement qui fait que la cible, faut vraiment qu'elle soit en plein dedans pour se la prendre. Mais enfin bon, on verra bien ce que ça vaut. Ça peut être tout à fait pratique au niveau du PVP et autant qu'au niveau du PVE. Si on espère, il rajoute un petit peu l'aspect gros pack de mobs où il faut utiliser les CC. Et le sort le plus marrant, et il y a les rogues qui ragent des âges, déjà je les entends d'ici, c'est le sort au niveau 85 qui s'appellera Dissimulation. En gros, le chasseur entre dans un état d'obscurité qui le protège des attaques à distance, et le chasseur pourra toujours être attaqué en mêlée ou via les attaques de zone, et toute attaque lancée ou dégâts subis fera sortir le chasseur de cet état. Donc là, on s'arrête là, et ça veut dire que, donc, en gros, le chasseur pourra donc passer en mode furtif. Ça annulera les dégâts qu'il était en train de subir à distance, par exemple contre un autre chasseur, un mage, un démoniste ou d'autres classes à distance. Ensuite, le chasseur pourra se déplacer, donc grande nouveauté, et poser des pièges en étant dissimulé, et recevra un bonus de dégâts lorsqu'il attaquera sous dissimulation. Donc ce qui fera à ce moment-là disparaître la dissimulation, c'est un petit peu comme le rogue qui avait besoin donc de faire certaines attaques en sortant du mode furtif qui infligeait des dégâts supplémentaires. Ce sera un peu ça. Donc beaucoup de gens ont ragé pour ça déjà, surtout les rogues qui disent ouais non c'est nous les vrais fufu nanani nanana. En même temps, je leur rappellerai que le chasseur à la base c'est quand même quelque chose de furtif, c'est quelque chose qui ne doit pas être vu avant d'attaquer. Enfin bon. On verra bien ce que ça vaudra, mais ça peut être pratique quand même dans le PVP. Ça peut ajouter un attrait supplémentaire à la jouabilité. Ensuite, les changements des mécanismes. Donc, la grande nouvelle qu'on avait annoncée lors des news du dossier dédié à Cataclysme, c'est la modification de la grande modification qui consiste à supprimer la mana et à la remplacer par de la focalisation. Donc, la focalisation, c'est comme le pet des chasseurs dispose, c'est ce dont le pet des chasseurs dispose déjà. Et c'est équivalent à la rage ou à l'énergie, par exemple. La focalisation donc, se régénérera de façon similaire. Elle sera pas du tout affectée par l'intelligence, et à mon avis, l'intelligence sera supprimée de toute façon. Toutefois, la hâte améliorera sa régénération. Donc là, ils avaient parlé aussi que la hâte deviendrait plus intéressante pour les chasseurs, c'est le cas pour ça déjà. De façon générale, les chasseurs régénéreront à peu près 6 points de focalisation par seconde, donc ce sera un petit peu moins que la régénération d'énergie, qui était de 10 secondes, de 10 points par seconde à peu près. Et il y a 2-3 petits exemples de régénération et d'utilisation de coups, en fait. Donc tir assuré et tir du cobra, qui donc sont couplés au niveau de leur CD, comme j'ai précisé juste avant, donc n'auront aucun coup et permettront eux de régénérer les points de focalisation au nombre de 9 par tir et ou 12 par seconde au lieu de 6. Donc en fait, ça augmentera la régénération par seconde. Des points de focalisation. Ensuite, tir des arcanes, tir de la chimère, tir explosif qui coûteront 45 points de focalisation et visée flèche multiple 60 points de focalisation, trait de choc, tir tranquillisant 35 points de foca, tir rapide, appel du maître et désengagement 30 points de focalisation. Alors là, j'émets quand même un petit doute par rapport aux chasseurs qui n'auront pas forcément au début énormément de hâte et énormément de capacité à régénérer leur point de focalisation, c'est cher. C'est-à-dire que quand on connaît à peu près le cycle DPS d'un chasseur, on se dit que le tir explosif et la visée lune ce sera pas possible d'utiliser l'un après l'autre, en fait. Si on ne met pas un tir du cobra ou un tir assuré entre. Enfin, c'est une hypothèse, mais je pense qu'au début, les chasseurs seront vraiment pas du tout au beurre. Ils vont vraiment avoir du mal à se faire une place au niveau du DPS, ou alors il faudra vraiment modifier tout le système de cycle DPS. Enfin bon, on verra bien. Ensuite, les changements apportés aux techniques et aux mécanismes. Alors, un des changements majeurs qui avait normalement déjà été prévu pour Wrath of the Lich King et qui en fait le sera donc pour Cataclysme, c'est le retrait des munitions. Donc, les armes à feu, arc, arbalète n'ont pas besoin d'une munition pour faire des dégâts. Il n'y aura plus d'onglet dédié aux munitions. En gros, il n'y aura plus de carquois. Les carquois seront remplacés automatiquement par un grand sac. Et les munitions deviendront des objets vendables, d'objets gris, quand on passera à Cataclysme. Alors bon, j'en connais qui ne vont pas être contents. Ce sont les commerçants ingénieurs, puisque ils ne pourront plus crafter de munitions. Et je me demande quand même ce que deviendra l'apport au DPS des munitions par rapport au niveau des munitions qu'on utilisait. Ça, on verra bien. La gestion des familiers. Alors ça, c'est sympathique pour ceux qui, comme par exemple Amandine, aiment bien la collection des pets. Tu vois, voyez. Alors la gestion des familiers sera donc modifiée. Les chasseurs auront dorénavant accès à deux types de familiers. Les familiers actifs et les familiers à l'écurie. Donc les chasseurs pourront avoir jusqu'à 3 familiers actifs, peut-être 5 pour se spécialiser en bêtes, et auront la possibilité de changer de familier parmi ces derniers lorsqu'ils seront hors combat, sans avoir à se rendre auprès d'un maître des écuries. Et ils auront également la possibilité d'avoir un grand nombre de familiers à l'écurie, donc d'après ce que j'ai compris, ce sera quasiment illimité. Je ne sais pas encore. Afin d'échanger un familier actif avec un autre non actif, les chasseurs devront toujours se rendre auprès d'un maître des écuries. Toutefois, ceci devrait permettre de posséder un plus grand nombre de familiers parmi les bêtes qui foulent les terres d'Azeroth. Alors j'aime bien ça, parce que c'est vrai que le problème qui se pose, c'est quand on veut posséder des pets comme les pets rares, on a des places limitées à l'écurie, c'est vraiment pas énorme. On a 4 pets à l'écurie et un pet actif, et le problème, c'est que quand on veut les avoir, on est obligé d'être spé bêtes premièrement, et ensuite on peut n'utiliser que quelques-uns. Et on doit vraiment se focaliser sur l'utilisation de ce pet, parce que par exemple au PVP. Et là, ça va être très très pratique, c'est-à-dire qu'il suffira de se mettre hors combat, même pendant une session PVP ou autre, pour directement changer de familier. À mon avis, je ne sais pas s'il y aura un temps de recharge pour ça, mais ça peut être très très pratique pour s'adapter au combat. On verra ça par la suite. De même, les chasseurs débuteront maintenant aussi avec un familier dès leur niveau 1. Donc, ils ont supprimé donc cette quête d'apprentissage des familiers. Par contre, l'accès, le familier sera le même de base. On ne pourra pas en changer jusqu'au niveau 10. Et ensuite, à partir du niveau 10, ils pourront dompter leur familier différent. Ensuite, les changements par rapport aux familiers. Donc, ceux qui disaient que l'aspect bête ne serait pas Uber, excusez-moi du terme, mais là, bah, je pense que ce sera peut-être un peu plus attractif. Donc, les serpents des vents donneront accès à un affaiblissement qui augmentera la quantité des dégâts des sorts qu'un ennemi recevra. Donc, c'est un petit peu comme la puissance, la malédiction des éléments des démonismes, bon, moins puissant, bien entendu. Les ravageurs, tous les types de ravageurs, donneront accès à un affaiblissement qui augmentera la quantité des dégâts physiques encaissés par un ennemi. Donc, ça, c'est similaire à la technique frénésie sanglante du guerrier. Et les yens donneront accès à un saignement similaire à la version moins puissante de mutilation du druide. Donc ce sera des atouts qui seront très intéressants cette fois-ci en PVP et en PVE, que ce soit en PVP par rapport à des cibles, par rapport donc à ces apports de dégâts, et en PVE aussi pour donc faire un apport au raid. Ensuite, par rapport aux piqûres et autres effets périodiques bénéficieront dorénavant de la hâte, c'est un petit peu comme toutes les autres classes, et des chances de coups critiques. Donc ça, le truc, c'est qu'il fallait avoir des bonus, par exemple le 7T9 pour les chasseurs offrait un bonus aux coups critiques pour les piqûres de morsures de serpent. Maintenant, bah, ce sera directement implémenté. Alors j'espère juste que ces messieurs de Blizzard vont faire en sorte que notre flèche poison ne soit pas impossible à lancer parce qu'un sort plus puissant est déjà actif sur une cible, par exemple en PVP, en PVE je veux dire, parce que ben le problème c'est que ça nous sape complètement notre cycle par rapport à ça. Et pareil pour les autres classes, les durées, la technique des dégâts sur la durée affectée par la hâte ne verront pas leur durée totale réduite, mais leur nombre d'accumulation augmenté. Donc en gros, tout ce qui est dot, hein, comme on l'avait dit tout à l'heure, ça fera juste plus de dégâts, ce sera pas plus court. Cette morsure de vipère générera désormais 9 points de focalisation toutes les 3 secondes, donc là, ce sera pas mal. Donc c'était avant donc ce tir qui était le drain de mana. Ce sera simplement un tir qui permettra de nous régénérer des points de focalisation. Alors là, ça devient intéressant parce que si on a non seulement donc, notre régénération de focalisation qui peut être augmentée suivant ce qu'on fait, plus ça, c'est vrai que là, à ce moment-là, ça viendra une part entière de notre cycle DPS que sur n'importe quelle classe et lors de n'importe quel combat. Et ils vont également renforcer les chasseurs en tant que classe à distance. À cette fin, la classe va maintenant débuter avec des techniques à distance dès le niveau 1. Donc ça, c'est bien parce qu'avant, on avait juste le tir, auto, point barre. Et ils vont retirer certaines techniques de mêlée, comme la morsure de la mangouste, parce que alors, franchement, la morsure de la mangouste, le truc qui ne figure même plus dans, ma barre d'action, il n'y a que la coupure d'aile qui est encore appréciable. Donc les talents et les nouveautés de modification. Les chasseurs spécialisés en maîtrise des bêtes auront accès à un nouveau talent nommé visée minutieuse qui augmentera les dégâts du prochain tir assuré ou tir du cobra, mais qui augmentera également le temps d'incantation de ces techniques. Donc en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'ancienne visée qui avait un énorme temps d'incantation mais qui faisait beaucoup plus mal qu'un autre tir. Alors, en fait, ça transformera certains tirs comme le tir assuré et le tir du cobra en des tirs plus puissants, donc un petit peu des sortes d'anciennes visées. L'intention de ces combinaisons est de permettre de générer d'importants dégâts en ouverture de combat, plus spécifiquement en cas d'utilisation de la nouvelle technique dissimulation. Donc c'est vrai qu'on imagine un chasseur qui se déplace donc en fufu, qui voit une cible et qui veut donc engager le combat, et ben il pourra incanter cette cible sans passer en dehors du mode furtif, et donc fera un plus gros dégât d'entrée, plus en plus la combinaison de l'effet d'adjonction de dégâts quand on sort du mode furtif, donc ça fera des très gros dégâts dès le premier tir, ça peut être sympa. Alors encore un truc pour les chasseurs spé bêtes, ils auront également un accès à des talents qui rendront le tir du cobra supérieur au tir assuré, comme longévité qui réduira le temps d'incantation du tir de cobra à 1,5 secondes. Donc je pense que ça peut être très intéressant pour favoriser un petit peu le cycle DPS des spébêtes, qui n'était pas très agréable à faire depuis ces derniers temps. Le recouvrement rapide permettra à la technique tir rapide de rendre 20, 40 et 60 points de focalisation, suivant le nombre de points qui seront ajoutés dans la barre de talent, de façon immédiate, et aux talentures rapides de régénérer 3 points de focalisation par seconde. Donc, comme je disais, ça peut être très pratique mixé avec le tir de la vipère, qui donc régénère aussi des points de focalisation. Ensuite, l'efficacité réduira le coût en focalisation des techniques, tir de la chimère, visée et tir des arcanes. Donc ça pourrait être pratique vu que ces tirs justement coûtent très cher donc à première vue. Frisson de la chasse conférera des points de focalisation lorsqu'un tir infligera un coup critique. Et face à la nature augmentera la régénération de la focalisation du chasseur lorsque son familier sera sous un effet d'étourdissement ou de ralentissement ou d'immobilisation. Donc en gros, moi qui avais un petit peu peur, par exemple, quand je voyais les coups en focalisation des tirs, je me dis qu'avec toutes les régénérations qu'on pourra avoir, les adjonctions de régénération, on devrait rarement être out of focus. Hein. Je dois inventer le nouveau terme, out of focalisation. OOF. On sera des ouf. Il y avait ouf, mais maintenant il y a ouf. Enfin bon. Alors ensuite, les bonus passifs des arbres de talent. Donc maîtrise des bêtes, dégâts à distance, la hâte et les dégâts du familier. Ça change pas vraiment puisque c'était déjà autant maintenant. Quoi. La précision, donc dégâts à distance, pénétration d'armure et double tir. Alors, double tir, qu'est-ce que c'est ? Ce sera le chasseur aura accès à une attaque supplémentaire non affectée par le temps de recharge universel qui causera 50% des dégâts. Donc l'aspect survie donc, verra donc, les dégâts à distance, les chances de coup critique à distance, ce qui est déjà un petit peu le cas maintenant, ce qui a toujours été un peu le cas, et les dégâts des éléments. Et les dégâts des éléments, qu'est-ce que c'est ? Une amélioration qui améliorera les dégâts d'arcane, feu, givre, nature et ombre, donc toutes les écoles de magie quasiment, des différentes techniques comme les pièges, flèches noires et tir explosif. Alors je ne sais pas si ça améliorera aussi le tir du cobra, mais c'est à voir, vu que déjà l'aspect bête en dispose. Pour les dégâts du familier que je citais tout à l'heure, il y a un grand nombre de bonus passifs des dégâts du familier qui ne seront plus accessibles dans l'arbre de talent maîtrise des bêtes. Néanmoins, ces derniers seront disponibles via des nouveaux mécanismes du système de maîtrise. Donc là, ça va devenir intéressant par rapport au système de maîtrise. On verra bien ce que ça donnera. Ça reste que l'aspect bête, ils ont vraiment l'impression qu'ils aiment cet aspect bête maintenant et qu'ils veulent la rendre très intéressante. Donc voilà, c'est tout pour le chasseur. Pas mal de trucs, on va dire que le chasseur a pas mal de trucs funky, hein, comme on pourrait dire, pour citer quelqu'un qui se reconnaîtra. Sauf que je me demande quand même qu'est-ce que ça va apporter en PvE au niveau des dégâts, parce qu'il n'y a pas vraiment de modification et d'ajout de puissance de dégâts par rapport, par exemple, à l'aspect précision. On n'en a quasiment pas parlé. Je sais que ça reste temporaire et qu'il risque d'y avoir des ajouts, mais bon, voilà. L'aspect bête, je pense qu'elle sera très pratique en aspect PvE et en aspect PvP. Par contre, je me demande quand même contre les démos qu'on a cités juste avant, qui auront des trucs juste époustouflants, à quoi ça va servir, puisqu'il n'y a aucun apport de protection, on va dire. C'est-à-dire que on n'a rien pour de nouveau nous régénérer la vie ou nous rendre un petit peu, non pas invulnérables, mais un petit peu nous protéger durant quelques temps, parce que. On verra bien ce que ça donnera, mais ça me fait un petit peu peur par rapport à ça. Donc voilà, c'en est tout pour le chasseur. Le mage, le sort au niveau 81, il s'agit de l'orbe enflammée. Ce sort est inspiré par les capacités du prince Taldaram dans la citadelle et Ankh-Aet. Moi que j'ai dit Ankh-Aet, mais bon, voilà. Ankh-Aet, il permet au mage d'invoquer un orbe enflammé qui se déplace en ligne droite, tout en envoyant des rayons infligeant des dégâts de feu à toutes les cibles passant sur sa trajectoire. Une fois ce sort lancé et que l'orbe enflammé se déplace, le mage est libre de lancer d'autres sorts et de se déplacer. Donc il pourra être utilisé par toutes les spécialisations, même si les mages feu ont des talents qui permettront de l'améliorer. Par exemple, l'orbe enflammé pourra exploser en destination. Sort à partir du niveau 83, la distorsion temporelle. Ce sort apporte un bonus passif de hâte aux membres du groupe ou du raid comme furie sanguinaire ou héroïsme. De plus, la vitesse du mage qui a lancé le sort sera augmentée temporairement. Il est à noter que les bonus apportés par distorsion temporelle et furie sanguinaire ou héroïsme sont exclusifs. Si vous subissez l'affaiblissement et puis, mais tout de même du bonus de vitesse de déplacement. niveau 85, mur de brouillard. Ce sort permet de créer une ligne de gel devant le mage. Elle devrait mesurer 30 mètres. Tout ennemi franchissant cette ligne subira des dégâts et sera immobilisé. Le coût en mana de ce sort impliquera qu'il sera efficace contre les groupes, mais pas contre les joueurs ou créatures isolées. Ce sort devrait permettre au mage de prendre le contrôle du terrain en infligeant des dégâts à des ennemis en progression. Et en plus, il est possible de lancer Blizzard en plus de brouillard. Ce qui donnera une option intéressante pour défendre un drapeau sur champ de bataille. Ce sort dure 10 secondes et un temps de recharge de 30 secondes. Donc, à mon avis, tu peux le spammer. Voilà. Changement pour les capacités et les mécaniques de jeu. Donc, le projectile des arcanes devient subira la logique des procs, donc des logiques des déclenchements. Donc, dès qu'un mage inflige des dégâts avec un de ses sorts, il aura une chance d'un certain pourcentage de pouvoir lancer projectiles des arcanes. Ce système rappelle la capacité fulgurance des guerriers. Et les dégâts et le coût en mana de ce sort seront revus afin de le rendre attractif. Il devrait donc être utilisé dès qu'il est disponible. Avec ce changement, les développeurs voudraient rendre la gestion du mage et de sa mana plus dynamique, en particulier pour les joueurs de bas niveau. Certains sorts qui ne sont pas vraiment utiles vont être retirés, donc amplification de la magie, atténuation de la magie, gardien de feu, gardien de givre, et il est possible que le mage soit encore délesté de certains de ses sorts. À mon avis, un des changements majeurs, la capacité d'invoquer de la nourriture et de l'eau ne sera disponible qu'à partir du niveau 40. Donc en fait, les développeurs sont en train de travailler sur des modifications qui devraient permettre aux mages de bas niveau de ne pas avoir à se soucier de ne pas se soucier du manque de mana. Et une fois que les mages auront appris à invoquer de l'eau et de la nourriture, l'objet invoqué rendra à la fois du mana et des points de vie. Donc il n'y aura plus deux sorts, il n'y aura plus qu'un sort pour la régénération de mana et de vie. Brûlure apportera un bonus aux dégâts de feu infligés par le mage. Il voudrait que la brûlure participe en fait à la rotation des sorts utilisés par les mages et soit une source de dégâts utiles. Il devrait également apporter d'autres améliorations qui devraient être accessibles en dépensant des points de talent. Enfin, les talents, les nouveautés, les changements, la focalisation des arcanes vous permettra de récupérer du mana pour chaque sort qui manquera sa cible, y compris projectiles des arcanes échouent. En fait, il voudrait que les mages arcanes disposent de talents qui leur permettent de mieux jongler avec leur mana et leur donner des outils pour mieux la gérer. L'effet du talent joué avec le feu réduira le temps de recharge de vagues explosives lorsque le mage est touché par une attaque de mêlée. Cela remplacera l'effet actuel. Pyromane apportera un bonus d'AT quand 3 cibles ou plus subissent des dégâts sur la durée liée à vos sorts de feu. Et enfin, Ardeur épuisante permet aux mages de lancer des sorts en utilisant leurs points de vie quand ils n'ont plus de mana. Donc en fait, ça ressemble un peu à une sorte de connexion, j'ai l'impression. Enfin, les maîtrises, donc les bonus passifs aux arbres de talent, l'adepte du mana. Le montant de dégâts infligés par les mages arcanes dépendra du montant de mana dont ils disposeront. Donc si un mage a 100% de mana, il infligera beaucoup plus de dégâts que s'il en avait 50% et ainsi de suite. Si le niveau de mana d'un mage baisse, il faudra se tourner vers des capacités lui permettant d'organiser s'il souhaite augmenter les dégâts infligés. Enflammé, toutes les sorts infligeant des dégâts directs passeront également des dégâts sur la durée. Cela ressemblera en partie au fonctionnement de boule de feu, mais les dégâts sur la durée infligés seront beaucoup plus élevés. Et enfin, givre mortel, le mage qui lance un éclair de givre reçoit une amélioration qui améliore les dégâts infligés par les sorts de feu, givre et arcane. Éclair de givre sera le seul sort infligeant des dégâts qui ne bénéficiera pas de ce bonus aux dégâts. Voilà. Donc une amélioration pour donner un peu plus d'attractivité à toutes les écoles de magie, voilà. Alors maintenant on passe aux paladins, et concernant les paladins, dès le niveau 80, ils vont obtenir un sort que je trouve très cool, et qui va vous rappeler un sort qu'on a découvert avec Wrath of the Lich King, qui est le bouclier aveuglant. Donc c'est une technique qui va générer des dégâts et aveugler tous les ennemis proches. Donc en fait, l'effet pourrait être évité, tout comme la technique Radiance d'Adric le Pur dans l'épreuve du champion. Il suffira simplement de se tourner, enfin de se mettre dos en fait au lanceur de sort, et vous pourrez justement éviter d'être aveuglé. Donc pour éviter de se prendre le truc tout en attaquant, il faudra tirer des flèches par le derrière. Ouais, voilà. C'est une nouvelle technique du chasseur. N'importe quoi. Voilà, donc si vous êtes spécialisé en sacré, vous aurez un talent qui permettra d'augmenter les dégâts de ce bouclier, ainsi que les chances de critique. Si vous êtes protection, vous aurez un talent qui permettra de le rendre instantané. Au niveau 83, vous obtiendrez une main guérisseuse, il s'agit d'un soin sur la durée à courte portée, qui aura un cooldown de 15 secondes et une durée totale de 6 secondes. Et au niveau 85, alors là, ça crée la polémique sur les forums. Mon Dieu, le paladin a enfin un familier. Donc en fait, ça s'appelle Gardien des Anciens Rois. Donc ça invoque un gardien temporaire qui se ressemblera à une sorte de créature ailée lumineuse et armée d'une épée. C'est un peu comme déjà la Valkyre qui popait quand on avait le bijou, je crois, non? Ou je sais pas quoi. L'anneau, le bâton de Nibelung, je sais pas quoi là. Ouais, voilà, ouais, enfin, je Ouais, sais c'est plus, ça. moi je l'avais pas, bien entendu. C'est un peu ça ressemblera à ça. Ouais, tout à fait. L'effet de ce familier sera différent en fonction de votre spécialisation. Si vous êtes spécialisé en protection, il vous permettra d'absorber davantage de dégâts, enfin d'absorber les dégâts tout simplement. Si vous êtes en sacré, le gardien soignera l'allié le plus proche dont la vie sera la plus basse. Et si vous êtes en vindique, il infligera des dégâts aux ennemis. Un peu comme la gargouille du chevet de la mort, où effectivement le bâton est Nibelung, je crois, un truc comme ça qui s'appelle. Donc ce temps de recharge de 3 minutes pour une durée totale de 30 secondes. Et a priori, la durée pourrait varier en fonction du gardien invoqué, donc en fonction de l'aspect. Alors on ne sait pas s'il sera plus long ou moins long en fonction de l'aspect. C'est pas précisé encore. Au niveau des changements apportés par rapport aux sorts et techniques, Inquisition, qui a un talent de niveau 50, je crois, dans la branche Vindicte, en fait c'est un talent qui permet de faire plus de dégâts par rapport aux dégâts de l'arme, sera une capacité de base pour tous les paladins au niveau 1, et la branche Vindicte recevra un nouveau talent à la place, ou une modification du sort Inquisition qui le remplacera plus tard complètement. Épuration, donc c'est le sort qui permet de soigner les maladies et les poisons. En fait. C'est pas les mêmes. Épuration, qui est le sort de décurse, donc de dissipation du paladin, sera revu pour être en adéquation avec le nouveau système de dissipation. Donc en fait, il dissipera les effets magiques défensifs, donc c'est les effets néfastes sur les cibles alliées, les poisons et les maladies, donc sur une seule touche. Donc en gros, maintenant il fera tout. Quoique maintenant, quoique c'est toujours pareil. Par contre, je ne les précise pas si c'est possible pour toutes les spécialisations ou que pour le sacré. Donc, à voir. Il faut voir de pourquoi il était disponible avant, je veux dire. Bah, avant, il était disponible pour tout le monde. Bah, je pense que ce sera toujours pareil, à mon avis, c'est un Ouais. truc assez propre au paladin. Non pas le fait d'être monotouche, hein, je vais pas me prendre des pavés. Attention, je n'ai rien dit, je le pense très fort, mais je ne le dis pas. Ensuite, la bénédiction de puissance appliquera également l'effet bénédiction de sagesse, donc une seule béné pour deux effets. Et Orient Sacré, qui en sort de soins, je crois qu'il est instantané, pour l'instant réservé aux paladins sacrés, sera disponible pour tous les paladins. Alors là, des modifications de talent à venir. Il compte revoir à la baisse les capacités défensives des branches vindictes et sacrées. L'un de ces changements sera de réduire la durée du bouclier divin de quelques secondes. Donc le bouclier divin, vous savez, c'est le bouclier que lancent les paladins et que vous ne pouvez plus rien faire. Par contre, eux peuvent toujours vous canarder après. Donc, en outre, ce qu'ils disent également à Cataclysme, les soins en général vont changer à tel point que les paladins n'auront sans doute plus la possibilité de se régénérer la barre de vie en entier sur la durée totale du bouclier divin. Donc là, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ne jouent pas paladin. Ouais, bon, en même temps, c'est normal puisque le truc de base de Cataclysme est donc les combats plus longs. Parce que c'est vrai que c'est déjà lors d'un duel ou lors simplement d'un affrontement avec un paladin, on est sûr de devoir lui descendre sa vie au minimum deux fois. Ouais, tout à Déjà. fait. Au minimum deux fois. C'est-à-dire qu'un paladin, bientôt, genre, qui aura 80 KPV, on devra lui descendre 160 KPV. C'est quasiment infaisable, sachant que lui peut toujours nous faire mal, quoi. Je veux dire, c'est. Voilà, ça augmentera encore le ratio, sinon ça augmenterait encore l'écart entre les joueurs qui peuvent se lier et ceux qui ne peuvent pas. Ouais, puis après, il peut claquer l'imposition des mains aussi si le Non, cooldown non. est tombé. Ouais, si le cooldown. Et ça, le problème aussi reste le cooldown d'imposition des mains. Si le combat dure longtemps, voilà. Faut le tomber une troisième fois. Et voilà. Ensuite, il pense changer le bouclier saint. Alors, le bouclier saint, c'est un bouclier que vous appliquez à une cible et qui vous permet en fait d'obtenir une chance supplémentaire de critique quand vous faites des soins dessus. Donc, il pense le monter à 30 minutes et toujours garder l'idée de l'utiliser que sur une seule cible. L'intention, et c'est derrière en fait de rendre le paladin un peu plus polyvalent et moins attribué uniquement aux soins mono-cibles, plus attribué à des groupes. Il compte également rajouter dans la branche sacrée un sort de soins pardon, plus important, qui correspondra en quelque sorte aux soins supérieurs du prêtre. Ça, c'est bien. Je pense pour le paladin sacré, parce que tu as trois sortes de soins actuellement, tu dois te démerder avec ça. Bon, comme d'hab, pour tout ce qui est soigneur, ben, l'esprit, ce sera la caractéristique de régénération de mana pour les paladins en sacré. Et le bouclier sacré, donc là, c'est en branche protection, n'aura plus de charge. En fait, ce sera, quand vous activerez en fait cette compétence, vous augmenterez les chances de blocage tant qu'il sera actif. Il continuera bien sûr à envoyer à faire un petit peu de dégâts et à renvoyer un peu de menaces. Alors maintenant, les bonus de maîtrise passive des différents arbres. Si vous êtes spécialisé en sacré, vous augmenterez les soins, la méditation et les effets des critiques soins. Si vous êtes en protection, vous réduirez les dégâts, la vengeance et le blocage efficace. Donc blocage efficace, ça vous permettra au paladin d'absorber plus de dégâts avec ses blocages. Et si vous êtes en vindicte, vous augmenterez les dégâts en mêlée, les critiques des dégâts en mêlée. Et les dégâts du sacré, donc en fait, vous augmenterez chaque fois que vous ferez une attaque générant des dommages de sacré, ben, les dégâts seront augmentés. Donc voilà pour le paladin, ça fait beaucoup réagir sur les forums. Moi, ce qui me faisait rire sur les forums, c'est que tu voyais surtout ne touchez pas la bubule, surtout ne touchez pas la bubule. En gros, si tu veux, le gameplay des trois quarts des paladins qui jouent, ça se résume à claquer la bubule. Donc ça fait un peu peur, hein. En même temps, moi, je vois justement les bons paladins contre qui je fais des duels, ils n'utilisent pas Bubule en duel, parce que c'est normal d'estimer que la Bubule, pour moi, c'est un avis personnel, mais je pense qu'un paladin en 1 contre 1, c'est un exemple, peut très bien se sortir d'affaire sans avoir l'utilisé. Donc pour moi, je pense que ce serait quand même bien de penser que pour la branche Vindicte, la Bubule soit vraiment nerfée, soit, par exemple, ne permette pas d'attaquer du tout. Vous voyez ce que je veux dire, c'est simplement que c'est un petit peu à l'heure actuelle, gagner contre un paladin qui utilise sa bubule pour une classe qui est uniquement DPS et qui ne peut pas se healer, c'est quasiment impossible, sachant que le paladin Vindicte a 2 stuns. Vous voyez? Donc bon, c'est un avis personnel, mais bon, on verra bien. Moi personnellement, je vais agir juste globalement à la fin des classes, quand j'aurai fini la dernière classe que je vais faire maintenant. Je préfère rester un petit peu sur mes gardes par rapport aux réactions que je pourrais donner. Et en parlant de dernière classe, quelle est la dernière? Alors la dernière classe, c'est bien entendu notre cher ami le DK. Donc le DK, le Chevalier de la Mort, va avoir droit à pas mal de changements d'après ce que j'ai pu voir. Donc on va donc commencer par les nouveaux sorts. Donc le premier sort au niveau 80 sera donc le sort Affection. J'aime bien ce nom, Affection. Donc Affection affectera la cible à la fois avec fièvre de givre et peste de sang sans coûter de runes. Donc un bon petit sort gratuit, ça fait pas mal, hein, surtout qu'en plus il combine deux types d'attaques. Cette technique permettra au Chevalier de la Mort d'appliquer rapidement des maladies quand il voudra passer de cible en cible. Donc en fait, ce sera pour pouvoir un petit peu quasiment un AoE si le mec est rapide, quoi. Ensuite, la frappe nécrotique au niveau 83. Cette nouvelle attaque infligera des dégâts de larmes et un affaiblissement qui absorbera le montant de soins proportionnels aux dégâts infligés. Donc j'explique. En fait, ce sera donc une frappe différente. Par exemple, d'un type de frappe mortelle qui infligera, par exemple, admettons, vous avez une frappe qui infligerait 10 000 points de dégâts. Celle-ci infligera, par exemple, 6 000 points de dégâts et, par contre, empêchera, en fait, absorbera, si vous voulez, 4 000 points de soins que la cible pourrait recevoir. C'est-à-dire que bah, la cible ne pourra pas être soignée, la personne qui voudra le soigner bah, de 6 000 points de dégâts. De ces 6 000 points de dégâts, admettons, on devra lui infliger 4 000 points de soins. Ensuite, le sort niveau 85, qui sera Sombre Simulacre, le Chevalier de la Mort frappera donc une cible et appliquera un affaiblissement qui lui permettra de copier le prochain sort lancé. C'est un petit peu comme le renvoi de sort, c'est pas pareil, parce que c'est-à-dire que le DK va donc frapper une cible, admettons un mage. Le mage, qu'est-ce qu'il va lui faire? La prochaine attaque va lui envoyer un javelot de glace. Le DK va prendre l'attaque, donc va recevoir les dégâts, contrairement au renvoi de sort du guerrier, mais va pouvoir relancer la même attaque. C'est-à-dire, va lui renvoyer un javelot de glace. Donc, ça peut être pas mal.

de spétanque, hein, on va pas revenir là-dessus. Ça sera simplement donc augmenter les dégâts quand on est tank. Ah, et voilà, je crois qu'on a fini. On a fait le tour de toutes les classes. Tout le personne n'est mort, c'est bon. Non, mais je pense qu'on a perdu au moins beaucoup d'auditeurs entre-temps. Et on a perdu JP qui s'est transformé en mort-vivante. Non, c'est vrai que c'était lent, il y a énormément de modifs. Et dites-vous que ça, c'est rien que pour les classes, quoi. Après, il y a plein de modifications qui sont à venir sur les zones, sur le système en général et tout. Oui, et même les classes recevront, je pense, encore des modifications. Et surtout, les races en plus, parce qu'à mon avis, des racioles vont changer, je pense. Plus les deux nouvelles races qui vont s'ajouter. C'est pas prêt d'être terminé, toutes ces modifs. Hein. Voilà. Alors, je sais pas ce que vous avez pensé un petit peu globalement de tous ces changements. Je pense qu'on se rend compte que ça tend quand même, à part pour les spétanques, un petit peu plus vers le PVP, hein, quand même. Ouais, tout à fait. Ouais. On sent vraiment qu'ils veulent garder leur truc de combat long, donc combat plus long, pour permettre à toutes les classes de pouvoir être effectifs sur une longue durée. Après, je pense que l'essor Uber de certaines classes comme comme la bubule ou certaines autres choses, je veux dire, qui ont un temps quand même déjà court de recharge, ou les pets justement invocables, ou certains procs qui sont par exemple à 2 ou 3 minutes, je ne sais pas si ils vont pas y changer, parce que je pense justement sur les combats longs, ça reste quand même d'avantager quand même certaines classes. Après, on verra bien, je ne sais pas vous ce que vous en pensez. Bah, moi pour l'instant, enfin, ce qu'ils présentent, c'est à mon avis, c'est qu'une partie immergée de l'iceberg, enfin, juste de l'endroit de l'iceberg, de dessus de l'eau, de l'iceberg. Moi personnellement, je préférerais voir ça en jeu, parce que là, c'est juste des. Enfin, ça peut très bien changer d'ici la sortie du jeu, ou. Enfin, c'est au cours des présentations. Il y aura forcément après des patchs correctifs pour améliorer encore l'équilibrage. Mais effectivement, ça tend plus vers le PVP, justement, comme je disais, ils préparent ça, surtout pour les champs de bataille côté. À mon avis, ils vont améliorer ce côté-là du PVP. Mais je suis content, c'est qu'ils n'oublient pas certaines spécialisations de classe, en fait. Comme les druides forme de félin ou d'autres spécialisations comme ça, ils les oublient pas, ils veulent les améliorer, ils les laissent pas dans un coin. Parle pour toi, parce que l'aspect précision, voilà quoi. On a rien vu dessus, par exemple. Il y a pas mal de spé, je trouve, à l'inverse, il y a des spé qui vont être mises à jour, qui étaient un petit peu oubliées, et là, à l'inverse, je trouve qu'il y a certaines spé qui sont un petit peu laissées pour compte, à moins que ça vienne plus tard. Donc pour l'instant, il y a quand même un petit peu de laissé pour compte. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que là, tout ce dont on vient de parler, ça va être également. Ça peut subir des modifications, ils ont été clairs là-dessus. Pour l'instant, c'est un plan en fait, général sur les modifs à venir. Après, il y a plein de modifications qui ne nous ont pas encore parlé, qu'on va voir venir dans les jours, jours prochains. Donc, il faut pas forcément prendre tout ce qu'on a dit aussi au pied de la lettre, parce que ça peut encore changer, bien que ce soit en général ce qui va arriver. À quelque chose près. Oui, moi je pense simplement qu'il va y avoir une longue phase de test alpha, puis bêta test, peut-être ouverte ou pas, je ne sais pas, mais ça. Ça d'ailleurs, j'ai une info. Les clés des bêta seraient en préparation pour la presse. La bêta va commencer pour avoir des accès presse, donc mon avis, c'est peut-être une bêta cet été. Bon, on peut espérer. Tu penses que les fansites auront un accès? Oh, parce qu'on fait partie de la presse, quelque part. Je ne pense pas, mais... S'il vous plaît, si elle veut faire la test. Je sais pas, moi, si j'aurais envie de participer à la bêta, en fait. Non, moi personnellement, non. J'étais assez... Préfère... Moi aussi, je veux avoir mon mot à dire sur le chasseur. Ouais, j'étais assez avec Lich King et je trouvais que c'était intéressant mais frustrant parce que c'était pas encore en jeu, tout ce que t'allais faire ça servait à rien parce que c'est l'être effacé, donc c'était aussi intéressant que frustrant, je trouvais ça, et au final ça m'a pas plu. Oui, mais quand c'est pour la presse, c'est un petit peu plus un titre informatif, c'est pas personnel. Ouais, non, tout à fait. Maintenant, moi j'ai personnellement, j'ai quand même l'impression que certaines classes risquent quand même fort d'être même nerf avant même la sortie de l'extension par rapport à ces améliorations, d'autres être augmentées, enfin être améliorées. Je pense que même après la sortie de l'extension, certains patchs correctifs risquent de vite arriver, parce que je trouve qu'il y a quand même, si on fait un petit peu, si on pèse le poids et le compte de certaines classes, y en a voir qui vont vraiment tout défoncer, alors que d'autres vont peut-être rester plus en retrait. Hein. Mais bon, ça c'est mon avis personnel. Bah après, de toute façon, tu vas toujours avoir la phase chaotique qui va être quand on va passer à la version 4, avant que Cataclysm arrive, justement. Quand le patch est installé, avant qu'on passe à Cataclysm, là, oui. C'est la période hécatombe, en fait. C'est-à-dire, en PvP, c'est tout et n'importe quoi. Tu vas avoir des classes hyper puissantes et d'autres super faibles. C'est le temps aussi qu'on ait des bonus de maîtrise, justement, qui vont permettre d'obtenir les derniers bonus liés à notre spécialisation. Ouais, voilà, ouais. Ça, je pense. Et je pense, ouais, la maîtrise va prendre vraiment de l'ampleur une fois qu'on fera du leveling. Enfin. Par contre, la maîtrise sera que sur les derniers niveaux. Ce sera pas sur équipement de bas niveau. Ouais, bien sûr. Bon, voilà, bah après, je crois que ça va bien faire une heure et demie, en fait, qu'on discute sur les classes. Ça fait 2 heures qu'on cause sur les classes. 2 heures. Enfin, nous, à l'enregistrement, là, on est à 2h20 d'enregistrement. Ouais, tout à fait. Donc, voilà, on espère avoir bien cerné toutes vos attentes. On espère que vous êtes contents des nouveautés à venir. Bah, n'hésitez pas à en débattre sur les forums officiels, également sur notre forum. Hein. Bon, bien sûr, pour les plaintes, c'est plutôt forum officiel. Bah, ouais, c'est vrai que j'aimerais franchement que là, vous soyez ultra participatif par rapport à ce qu'on vient de dire, hein, vu qu'on a quand même tout détaillé. Et là, vous pouvez pas vous plaindre qu'on n'ait pas tout détaillé, hein, s'il vous plaît. Au pire, on s'est tapé les 2 heures à faire ça, je veux dire. Oui, on s'est bien endormi sur nos chaises quand même. Voilà. Hein. Et plus même à comprendre, puisqu'on ne joue pas toutes les classes, donc vous nous excuserez aussi si on y a des erreurs. Ouais. Et je pense que, ouais, il faut, je me demande si vous soyez participatif sur le forum, sur le topic prévu à cet effet qu'on va faire. Que vous donniez vraiment vos impressions de façon objective. Pas nerf telle classe ou quoi. Mais donnez votre réaction à chaud et peut-être vos envies par rapport au futur. Bon, maintenant, la communauté qu'on a, ça va, c'est pas des Kiko Roxers. Donc, non, ça va. Je pense qu'on est à l'abri de ça. Voilà. Bon, voilà. Ben, c'est tout pour ce Otaku numéro 5, super chargé en émotions. Quelque chose à rajouter, JP, Circle ? On vous rappelle donc le live de dimanche qu'on a annoncé lors de l'intro de ce Otaku, qui aura lieu dimanche en fin de journée, alors à 21h, venez nombreux. On vous garantit pas qu'il n'y aura pas de problème technique, hein, on essaiera de faire de notre mieux. Et voilà, on enregistrera le courrier des auditeurs. Si vous nous envoyez du courrier des éditeurs, vous pouvez être sûr qu'on en parlera. On aura quelques invités prestigieux, hein. Donc venez nombreux et puis j'espère qu'on va bien s'amuser. Voilà, et bien on dit au pire à la semaine prochaine si on ne vous voit pas dimanche pour le prochain Otaku. Salut à tous. Ciao. Ciao.